Et toi, pourquoi tu me regardes pas? Et toi, pourquoi tu me regardes là? Difficile à croire, difficile à comprendre, difficile de savoir, difficile à apprendre. Un jour c'est comme si, un jour c'est comme ça. C'est noir ou c'est blanc, ça dépend peut-être du temps. Et toi, pourquoi tu me regardes pas? Et toi, pourquoi tu me regardes là? Comment que c'est aujourd'hui? Comment que c'est dans ta vie? Comment que c'est, tu souris ou bien t'es sous la pluie? Allez, dis-moi, comment tu vas? Être venu aujourd'hui avec tous tes soucis, allez.